Yeah. Estoy con mi homeboy, tenemos bate, pegamos home run, bourbon, bomba brown, serpiente pitón, gritón, pito con ron, puto cabrón, mero mero uso el X condón, destrozo tu calzón, entre más me los quiero, paz para guerrero, músico de jazz, sin cash, clash para posero, brush, adrenalínico, crónico, cósmico, cómico, sonido, sónico, sólido, sólido, dormido, no para nada, estoy con mi pan en Panam, Panama Jack, fuck, caps, tengo un six pack, Havana Club, por seco, cannabis cap, más de coca, la mitad. Pianteco, basta de rapa, juego. Y dejo el tego con los dientes chuecos. Soy la shit, más de onda de lo que es cierto. Convierto al insecto flete en un feto. Fácil del fan, unión de mi padre, mi madre, Dios es Satán. Si a Saddam, me voy de shopping pa'l coffee shop. En Amsterdam me llevo el stock. Toy Stone como Hendrix en Woodstock. No paro en el stop, si hiciste en tu frog. En estado de shock, esta es la peste del NB. Je peux faire passe, peux pas me cambrer, je peux pas sucer. Nah, mec, je vénère, c'est le feu tarcasus, rien à foutre. Je reste embusqué, je suis suspect qui tente d'inculper. Sarko il dort plus, il en est frustré. Quand je rate ça, il se tape le crâne, il est dépité. La menace plane comme de Boeing au-dessus de l'Elysée. Sans la rage, parfois d'un gaz mortel. Tous mes frères seraient pour partir martyr, bordel. Il annule quelle tête, de quoi il part Chirac, hein. Moi j'anime rien, je vénère comme un petit Irakien. Mets les sangs, je mets le feu, mets du son, je mets le spell. Je pisse sur la justice, seul juge c'est Dieu, mec. J'ai stade Brest sous les semelles. Vieux mec, crache les pieds violets. J't'ai dit c'est sérieux, mec. Marianne, c'est d'art, c'est pas y faire le thème. Wait, wait, wait, three, hein? One, two, three, three.